En Corée du Sud, selon le journal Herald Economy, le porte-parole du Parti démocrate Do Bu-rong a organisé le 4 septembre au Parlement une conférence de presse et condamné les démarches malsaines des autorités qui ont empêché l'éclaircissement du dessous de la catastrophe du paquebot Sewol.